celui qui a des mains levées, celui qui a déjà répondu à une question, s'il y a une autre main levée, je donne à l'autre main qui n'a pas encore participé. Donc, celui qui a répondu une fois, il ne pourra répondre que s'il y a une autre personne qui ne lève pas la main, juste pour que les gens, inchallah ta'ala, comment on dit, participent avec nous. Taïb, qui peut me citer bi'izna ta'ala très vite pour que quelqu'un fasse le jeûne et qu'il soit accepté de lui, pour qu'il ait fait son devoir, il faut remplir six conditions. Là, quelles sont les six conditions qu'on doit remplir? Ibn Zahir, Ta'al. Taïb, Oumali, tafadhali. Taïb, Oumali, inshallah ta'ala, tafadhali. Quelles sont les six conditions qu'on doit remplir? Maria, si tu es là, commence à écrire, Inch'Allah. Quelles sont les conditions? Tayyib, son musulman. Tayyib, son musulman en bonne santé. Naam, qui raisonne, pubère, et la femme pure, et ne doit pas voyager. Taïb, maintenant, celui qui voit qu'il manque quelque chose ici, c'est bien ce qu'elle a dit, mais il manque quelque chose. Il manque une ou deux choses. Celui qui peut me dire ce qu'il manque, lève la main, Inch'Allah. Elle a dit musulman, naam, musulman, taïb, homme, Ismaël, tafadhali. Il manque quelque chose de très important. Muslim, elle a dit sahih, elle a dit aqil, elle a dit baligh. Al-qasd, c'est en général. En général, il faut le qasd. Naam, en général, dans toutes les adorations, il faut le qasd. Mais ici, il manque quelque chose pour que quoi? Pour que le siyam soit obligatoire. Pour que le siyam soit obligatoire, il manque ici quelque chose. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Qui peut me dire ce que c'est? Naam, sinon, ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas l'intention. L'intention, bien sûr. Il faut l'intention pour que ça soit accepté. Mais, ici, il manque quelque chose qui, si cette chose n'existe pas, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un de faire quoi? De faire le siyam. De faire le siyam. Réfléchissez, vous allez le trouver, Inch'Allah Ta'ala. Non, ce n'est pas la prière. Là. Hilal, pardon. Blue Diamond, tafazal. Donc, qui ont déjà la rouge dans le rouge. Blue Diamond, tafazal. L'idée de l'adoration. Ça, c'est en général. J'ai dit, l'idée de l'adoration, il faut qu'elle soit dans toutes les quoi? Dans toutes les adorations. Il faut qu'il ait l'idée. Ça, l'intention. Maintenant, il y a autre chose. Pour que le siyam soit obligatoire, on doit être musulman. On doit être raisonnable. Yani on a la raison. On doit être yani en bonne santé. On doit être pubère. Et qu'est-ce qu'il manque aussi? Allah l'a dit. Il manque quelque chose. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Ça se voit que vous n'avez pas une bonne mémoire, Allahu a'lam. Naam. Réfléchissez bien. Il manque une condition importante. L'Athariya, tafadhali, une condition importante. Sinon, il n'est pas obligé de faire le siyam. Il dit, je ne suis pas pur. Pur en la cité. Taïb, pur en la cité. Al-Naml. Taïb. l'Atharia ou bien le Nemb, puisque les deux, je vous ai enlevé le point rouge. C'est quoi, Inch'Allah, la condition? Sinon, il peut ne pas faire le Siyam. Il n'est pas obligé pour lui le Siyam. Saint-Esprit, on l'a dit. Nemb, on a dit Saint-Esprit. Ça y est, bonne santé, on l'a dit, l'Atharia. On passe à Nayala. Nayala 32. Et je commence à donner le rouge aux autres. Ça y est. L'apparition de la lune, c'est pas ça. On donne le rouge. Ça y est. Hilal 406. Tafadbali. Subhanallah al-Azim. Je croyais pas que vous n'alliez pas trouver la réponse. On ne doit pas être en état de voyage. Ahsanti. Ahsanti. Jazakillahu khayran. Naam. Il faut, l'une des conditions, il faut pas qu'il soit en voyage. S'il est en voyage, il est libre, il dit je fais pas. Allah Ta'ala m'a donné la permission. Allah Ta'ala m'a donné la permission, où je suis en voyage, que ce n'est plus une obligation pour moi. Tayyib, Jazakillahu khayran. Maintenant, autre chose. La deuxième question. Naam. La deuxième question. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que la deuxième question comporte deux questions en même temps. La deuxième question comporte elle-même deux questions en même temps. Tayyib, frère 13, Barakallahu fik, descends ta main pour que je sache ensuite qui veut répondre. Allez, je peux enlever les mains d'ici. Attention. Naam, Jazakallahu khayran. Regardez. Vous savez que le kafir, s'il fait le siyam, il n'est pas accepté de lui, ni la prière, ni rien. Mais ces choses-là sont-elles demandées pour lui? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si ces choses sont demandées et il ne les fait pas, c'est quoi la différence entre lui et le musulman? C'est quoi la différence donc s'il ne les fait pas? Qu'est-ce qui va se passer? Il peut dire je suis kafir. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne? Ça y est, on commence par Oum Ismaïl. J'avais oublié, Oum Ismaïl a déjà répondu. Mais allez, je lui ai donné la parole. Il aura deux châtiments. Naam. Très important. Jazakallahu khairan. Naam. Il aura deux châtiments. Naam. Ahsanti. Le premier, pour le kofr, pour être kafir. Le deuxième, c'est quoi? Pour ne pas avoir fait le siyam. Et bien sûr, pour ne pas avoir fait les autres obligations. Et pour avoir fait, les autres interdits. Les autres interdits. Naam. Autre chose, une seconde, je cherche la question. Quand quelqu'un a des jours, par exemple, à rattraper et qu'il ne peut pas, il a une maladie chronique de façon qu'il ne puisse pas rattraper. Celui-là, vous êtes d'accord avec moi qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, bi'idna azza wa jal, il doit faire nourrir. Est-ce que, voilà la question, est-ce que il doit nourrir le même jour, où il a mangé un pauvre, ou bien il peut laisser, par exemple, jusqu'à la fin, et les regrouper. Là, et regrouper les pauvres et leur donner à manger. Oum Afnan, tafadlali. Oum Afnan. Il peut laisser à la fin. Oum Afnan, je te pose la question à toi. Il peut laisser à la fin. Et si chaque soir il fait manger quelqu'un, c'est valable ou c'est pas valable? Si chaque soir il fait manger quelqu'un, c'est valable ou pas? C'est-à-dire qu'il n'attend pas jusqu'à la fin. Non, mais il peut aussi faire manger quelqu'un chaque soir. Ahsante, barakallahu fik. La question suivante, citez le nom du compagnon Jalil radiallahu ta'ala anhu. Quel est ce compagnon qui, une fois, n'a pas pu faire le siyam 30 jours? Ensuite, il a regroupé 30 personnes et les a fait manger une fois, en une seule soirée. Tayyib, Oum Souleymane du 13. ou m'a fait un pardon parce que tu as répondu. Mais laisse ta main, on ne sait jamais, il ne trouve pas la réponse. Qui c'est le compagnon qui a groupé? Bon, Oum Souleymane s'est désisté. Alors, Mekken 11. Qui est le compagnon qui, une fois a mangé pendant un mois, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire le siyam. Ensuite, il a regroupé 30 pauvres à la fois. Non. Qui c'est ce compagnon de Jalil? Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Naam, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Ahsante. Et hier, quand je parlais de Anas radiallahu ta'ala anhu, j'ai parlé de sa mère Oum Souleym. Ensuite, j'ai dit Abu Talha, je voulais dire son mari, hein. Je voulais dire son mari, le mari de Oum Souleym. Car, comme je vous ai dit, le père de Anas est mort et l'a laissé jeune. Ensuite, c'est son frère, le frère de son père, qui s'est marié avec sa mère. C'est-à-dire Abu Talha. C'est le Ammo, c'est son oncle qui s'est marié avec sa mère. El Mohim. Autre question, inshallah ta'ala. Taïb, vous savez que il y a une divergence entre ceux qui ont dit, il y a une grande divergence. Pour ce qui est du voyageur. Le voyageur, quand il voyage pendant le ramadan, et est-ce que, yani de préférence, il fait le siyam ou il mange? On a dit que d'abord, on retire de la généralité celui qui a des malaises. Celui qui est malade a des malaises, des contractions, des vomissements. Celui-là, s'il fait le siyam, c'est haram pour lui. Donc, on fait sortir celui-là. Il reste la personne qui est normale et qui voyage. Certains ont dit de préférence elle fait le siyam et d'autres ont dit de préférence elle mange. Ceux qui ont dit de préférence elle mange, ils ont cité au moins 4 dalils. Quels sont les dalils? Citez-moi au moins 2 dalils, des 4 dalils. Ceux qui ont dit de préférence elle mange, ceux qui ont dit de préférence, elle fait siyam. Non, de préférence, la personne qui n'a pas de malaise doit faire siyam. Ils ont cité au moins 4 preuves. Quelles sont les preuves? Les 4 preuves. Maintenant, imaginez que vous soyez en train de parler avec quelqu'un, hein, avec quelqu'un, Niqash, et il vous dit, donnez-moi les dalils. Vous allez lui dire, de préférence, il fait siyam. Il te dit, c'est pas vrai, donne-moi le dalil. Nous sommes, inshallah ta'ala, les gens du dalil. Si tu n'as pas de dalil, alors toi, ça sert que tu me dises, c'est bien de faire le jeûne. Non. Taïb, on commence par Bint Khaldoun. Donne-moi au moins un dalil. Taïb, je ne vois rien. Mekken 11. Donne-moi un dalil. Où est-ce qu'elle est Bint Khaldoun? Je ne la vois plus. Mekken 11. Un dalil, Inch'Allah. Un des 4 dalils. طيب ام اسماعيل اسماعيل ا ديجا دو كار سي مو دو موين ميور دونك كونس لو سومو كار لو مو دو رمضان اي لو ميور موا دونك كون اون لو في اوتر موا نعم سي لان دي 4 دليل كون اون في لو صيام بوندون لو رمضان سي ميو كو دو لو فير دون ان اوتر موا كي ني با لو رمضان احسنت ام اسماعيل بارك الله فيك مكان 11. Bon, Ibn Kathir. Tu t'as quitté de cette dette de... Tu l'as fait en 100 ans. Après, Allah a dit, Naam. Alhamdulillah, quand on l'a fait, ahsant. Quand on l'a fait, je me dis Alhamdulillah, moi je n'ai pas de dette. Ah, je me suis acquitté de mes dettes, Alhamdulillah. Je dors tranquille. Naam, je dors tranquille. Il reste deux autres. Sausan. Le verset wa antasumu khayrun lakum. Le verset wa antasumu khayrun lakum. Naam. Il y va sans dire que quelques-uns ont dit que le verset s'applique exact, s'applique à celui autrefois, yani, il choisissait entre quoi? C'était pas obligatoire le siyam. Il choisissait entre faire mourir et faire le siyam. Allah Ta'ala dit wa antasumu khayrun lakum. Tayyib. Maintenant, il reste deux autres dalil. Ou la un dalil, est-ce que quelqu'un de vous se rappelle? Sinon, on va passer à autre chose. Vous ne vous rappelez pas un autre dalil ou la un deuxième dalil? Donc attendez-moi aussi, je vais me rappeler avec vous parce que j'ai pas ça dans le livre. On a dit que le faire dans le mois de Ramadan, c'est mieux que le faire dans un autre mois. Deuxièmement, c'est une dette, je me suis acquitté, alhamdoulilah. Oum Abdallah, t'as fait d'aller? Oum Abdallah. Ensuite, il y a autre chose. Non, je suis rappelé un autre délit maintenant. Attendez, on voit Mabla, qu'est-ce qu'elle va dire. Jazakillahu khayran. Naam, ahsanallahu ilayk. Naam, naam, ahsanallahu ilayk. C'est la plus grande preuve. Vous avez oublié, c'est la plus grande preuve. La plus grande preuve, c'est quoi? C'est d'avoir un hadith. C'est d'avoir un hadith sahih. Subhanallah, l'adim, le hadith, il est sahih. Il est dans muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voyagé avec tous les gens, avec beaucoup de compagnons. Tellement il faisait chaud qu'ils mettaient leurs mains sur la tête à cause du soleil. Le sahabi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y avait seules deux personnes qui ont jeûné. Abdullah ibn Rawaha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez un délire comme ça, subhanallah al-adim, ou pas l'oublier. Donc il reste une chose, il reste une chose. Qui se rappelle cette chose? Reste la quatrième chose. Si vous ne vous rappelez pas, je vais vous le dire. Non. Donc la quatrième chose, je vais vous dire ce que c'est, moi aussi je dois réfléchir avec vous. Il y a une quatrième chose, c'est... Attendez, quand il fond, qu'est-ce qui se passe? Une seconde, il l'a fait pendant le Ramadan, il n'a plus de dettes. On aide, t'as pas de... C'était dans ma tête tout à l'heure, maintenant je l'ai oublié. Non, c'était dans ma tête, je l'ai oublié. T'as pas de l'aide. Avant de donner la parole à Abdillah, j'avais le délil dans ma tête, maintenant je l'ai oublié. Aide, t'as pas de... Je viens de me le rappeler, Inch'Allah. Non. Je viens d'arriver à la seconde. Taïf. Je viens d'arriver à la seconde. On passe à Ibn Qayyim. Non. Donc il fallait pas lever la main, Adam. On posait des questions et celui qui connaissait la réponse levait la main. Taïf. Ibn Qayyim, tafadal. Si Ibn Qayyim ne trouve pas, je vous dis directement c'est quoi. Non. Pas de soucis, Adam. Tafadal Ibn Qayyim, pardon, moi c'était pareil pour les questions. Allah yahdik, naam. Allah yahdik, Ibn Qayyim. Jazakallahu khair. Pas de soucis, Inch'Allah Ta'ala. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, répondre et je vais vous dire. Ibn Qayyim et Adam, on est en train de poser des questions. On voit ceux qui peuvent répondre. Lève la main, Inch'Allah Ta'ala, c'est tout. Donc, on continue, Inch'Allah Ta'ala, les questions. Attendez. Je disais le quatrième délit, c'est quoi? C'est que, pardon, maintenant je dis oublié. Bon, le quatrième délit, c'est que, attendez une seconde, quand on fait le jeûne pendant le voyage, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a payé les dettes, on a fait en son temps. Naam, c'est que on est encouragé. Naam, quand on fait pendant le Ramadan, on est encouragé parce que tout le monde l'a fait. mais quand on laisse pour après, c'est difficile. On peut se retrouver seul. Et quand on ne trouve pas des gens qui nous qui nous ressemblent, c'est difficile. Je suis seul dans la maison à faire le siyam, à rattraper, c'est difficile. Mais si je l'avais fait en 100 ans, ça aurait été mieux. Ça y est, autre question. Le voyageur, quand il veut manger, il est libre. S'il veut jeûner, il est libre. Sauf bien sûr, comme j'ai dit, s'il avait des malaises, etc. Maintenant, s'il a décidé de manger, il est à la maison, il a décidé de manger. Quand est-ce exactement peut-il manger? Salam à 57. Tafadlali. Deux avis, Naam. Donne-moi l'avis le plus sûr, Inch'Allah. L'avis le plus sûr. Naam. L'avis de Enes Boumalek. C'est quoi son avis, Salam? C'est quoi son avis? Naam. Jazakillahu khairan. Naam. Jazakillahu khairan. On mange quand on est sur la monture. Naam. Quand on est sur la monture. Et l'autre avis, il dit on mange quand on est dans la maison. Et celui-là est plus sûr, parce qu'il est basé sur un athar qui est sahih, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Autre question, celui qui va voyager et il dit demain, inshallah ta'ala, il dit demain je vais voyager et je vais manger. Mais est-ce que cette nuit-là, est-ce qu'il met dans son cœur que demain, yani, il fait siyam ou qu'il ne le fait pas? Al-Qasas. Al-Qasas, jazakallahu khairan. Barakallahu fik, naam. Il doit mettre dans son cœur que demain, il fait siyam. Ensuite, quand il monte sur sa monture, il rompt. Le verbe rompre. Il rompt le siyam. Naam. Maintenant, quand quelqu'un est en voyage, et il se dit, dans un kilomètre, il y a une ville. On va rentrer dans une ville. Dans cette ville, inshallah ta'ala, je vais acheter un sandwich. Là, je vais acheter un poulet rôti. Tellement il a faim, il va dire, je vais acheter un poulet rôti. Naam. Ensuite, pour le manger, j'ai envie de rompre le siyam. Ensuite, quand il arrive, il trouve le magasin, ou le marché, ou là, comment il s'appelle, supermarché, il le trouve fermé. Est-ce que celui-là, il peut continuer à jeûner, ou bien a-t-il annulé son jeûne? Soumis à 2. Il a annulé son jeûne. Jazakillahu khairan. Il a annulé son jeûne. Car sa niya était de rompre. Naam. Car sa niya était de rompre. Et la ralbi n'a pas trouvé à manger. Regardez bien maintenant. Quelqu'un se dit est en voyage. Il dit dans un kilomètre, on va arriver dans la ville. Il se dit, dans son cœur, il se dit, si je trouve l'autre ouvert, j'achète ceci, cela. C'est-à-dire, si je trouve ceci ouvert, et si je trouve ce manger, le manger que je veux, je vais manger. Il se dit dans le cœur. Mais si je ne trouve pas, je reste dans le siyam. Ensuite, il ne trouve pas. Il arrive dans la ville, il trouve l'autre fermé. Est-ce que celui-là, il a annulé son siyam ou il n'a pas annulé? Tayyib, Oum Abdillah. Son jeûne est toujours valable. Regardez la différence. Il a mis une condition. Ahsante, il a mis une condition. Quand quelqu'un met une condition, classe la chose, donc repose sur la condition. Comme la femme qui a... à laquelle le prophète alayhi sallam lui a dit, quand tu vas faire le hajj, fais une condition. Dis Allahumma mahalli haythu habstani ou haythu habstani fatamma mahalli. Elle a fait une condition. C'est pour ça que on peut faire des conditions dans l'islam. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen la yahbou n'am dit, même dans l'i'tikaf, quand tu fais l'i'tikaf, tu as le droit de faire des conditions. Tu dis illa li kada wa kada, c'est-à-dire sauf si se passe telle chose, je sors. Dans ce cas, tu n'as pas annulé ton i'tikaf. Naam. Et vous, dans salat istikhara, on dit Allahumma in kunta ta'lam, ceci et cela. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Et les anges qui sont venus aux trois personnes, l'Abras ou l'Aqra, si vous vous souvenez, et le troisième, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'a dit l'ange? In kana kadiban. Allahumma in kana kadiban, fasayyiru ila makan alayh. Allah, ya Allah, s'il c'est un menteur, alors rends-lui la maladie. Naam. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala, nous, quand on l'a accusé que c'était un mauvais gouverneur, on a menti sur lui, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma in kana kadiban. In kana kadiban, fa, alors donne-lui, Allahumma, ou oh Allah, si c'est un menteur, s'il a menti, il a fait ça juste que les gens le voient, par ostentation, alors donne-lui, yani, fais-le vivre longtemps et remplis-le de fitan. Al-Muhim. On va passer, inshallah ta'ala, à autre chose. Tayyib, Soussan, pourquoi tu as levé la main? Je t'enlève le rouge pour voir qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de chercher, inshallah, une question. Tayyib. Ensuite, on est passé. Je crois que c'est là qu'on s'est arrêté. As-sahur. Quelle est la différence? Quelle est la différence lorsqu'on dit as-sahur avec A et lorsqu'on dit sahur avec O? As-sahur et sahur. Tayyib. Je ne sais pas si Umnayla jouait déjà dans les Lahor, je ne me rappelle pas. Mais t'as fait d'Ali, Umnayla. La différence entre Sahur avec A et Sahur avec O. Sahur, c'est le fait de manger, et le sahur, c'est le repas. Sahur, c'est le fait de manger, et le sahur, c'est le repas. Tayyib, est-ce qu'il y a une autre personne qui dit autre chose? Souleyman, tafadlal. Tayyib, est-ce qu'une autre personne veut dire autre chose? Autre chose qu'a dit Umnayla. Comme Hafsa, t'as fait d'Ali? Comme Hafsa est parti. Tayyib Salam a parlé déjà. Maïsen. T'as fait d'Ali ou t'as fait d'Ali? Naam, le sahur avec A, c'est quoi? J'attends, Mason, j'attends. Le sahur, c'est le fait de manger, et le sahur, c'est manger pour l'aliment. Tayyib, est-ce qu'il y a une autre personne qui a autre chose? À part ce qu'on a dit maintenant, est-ce qu'il y a une autre personne qui a autre chose? Tayyib, Ismaïl, tu as déjà parlé, hein? Oum Issa. Le sahur, c'est le repas, et le sahur, c'est l'acte de manger. Ahsan Allah ou Idek. Naam, c'est ça la vraie réponse. Ah, Nayla et Maïsen. Nayla et Maïsen. Le sahur, c'est le repas lui-même. Ce que tu manges s'appelle le sahur. Si c'est des dates, le sahur, c'est des dates. Si c'est la shurba, ton sahur, c'est la shurba. Et le suhoor, c'est le fait de manger, le fait de se réveiller et de manger. Naam. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retardait le suhoor, le fait de manger, il le retardait jusqu'au point où on a demandé à quelqu'un, on lui disait combien laissait-il de temps entre le suhoor et la salat. Il a dit un certain nombre de versets, le temps que tu lises un certain nombre de versets. Qui peut me dire quel est le nombre des versets? Om Suleyman, t'as pas parlé? Quel est le nombre des versets? طيب ام سليمان سي ديزيستي ابو ميتيك تفضل ابو ميتيك تفضل لو طون دو لير 50 فيرسي احسن الله اليك جزاك الله خيرا نعم لو طون دو لير 50 فيرسي احسن الله اليك Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, lorsqu'il a dit dans le Coran, Tayyib, où est le verset? وَكُولُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ وَالْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir du Fajr. Certains sahabas se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Certains sahabas se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Naam. Zainab Umm Hurayra, tafadhali. Cite ce que faisaient les uns, et ensuite celui qui est après toi, il va citer ce que faisaient les autres. Car il y a deux histoires sur ce qu'ils faisaient. Naam, il y a deux versions. La première version, que faisaient certains? Ils attachaient à leur pied un fil. Jazakillahu khayran. Ahsan Allahu ilayk. Naam, ils attachaient à leurs pieds un fil. Mais qu'a fait un autre compagnon radiyallahu ta'ala anhu, qu'a-t-il fait? Umm Suleyman, c'est le compte, je vais donner le rouge. Ibn Qayyim, il a mis un fil sous l'oreiller. Naam. C'était le tour de Umm Suleyman. Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, si je veux, si je suis par exemple imam, je suis imam ou bien je suis mu'addin, j'appelle à la prière et je me dis, le adhan par exemple, c'est à 4 heures du matin. Naam, le deuxième adhan, où tout le monde doit arrêter de manger, c'est à 4 heures du matin. Maintenant, moi, par prudence, j'aime l'islam, j'aime les gens, j'aime pas qu'ils se trompent, je vais faire l'adhan 10 minutes à l'avance. À cause d'aider les gens, tellement je les aime, j'ai peur qu'ils se trompent et ils mangent, etc. Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Naam, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Umm Suleyman, tafadhali. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, pourquoi? Continue. Pourquoi Umm Suleyman? Pourquoi c'est quelque chose de mal? Moi, j'aime l'islam et j'aime les gens et j'aime les musulmans. Je veux pas qu'ils se trompent. C'est une bid'a. Naam. Allah Ta'ala, c'est une innovation. Allah Ta'ala leur a donné jusqu'au Fajr. Et moi, subhanallah al-azim, je vais quoi? Yani, je vais, je vais être difficile, subhanallah al-azim, et je vais yani, le rétrécir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a allongé. Naam. Et en plus de cela, c'est une bid'a. En plus de cela, c'est une bid'a. Naam. si quelqu'un entend le adhan, n'am, si quelqu'un entend le adhan, n'am, il entend le adhan alors qu'il était en train de manger, a-t-il le droit de continuer ou bien il doit jeter ce qu'il a dans sa main et dans sa bouche? Qui n'a pas encore parlé, les quatre premières ont parlé. Oumou Mariam 93. Oumou Mariam 93. C'était la première, c'est-à-dire par rapport à celles et à ceux qui n'ont pas parlé. Quelqu'un a entendu l'adhan et il avait quelque chose dans la main. Est-ce qu'il doit boire, pardon, est-ce qu'il peut boire et manger ou là, il doit s'arrêter à cause de l'adhan. Il termine ce qu'il est en train de manger. Pourquoi, Oumou Mariam, pourquoi il termine? Quelle est la preuve qu'il peut terminer? Il y a quoi? Il y a un verset ou un hadith ou qu'est-ce qu'il y a? Naam, qu'est-ce qu'il y a? Un verset ou un hadith? Tayyib, Oumou Mariam, peut-être ne connaît pas la réponse. Oumou Imran 2001. Ça ne fait rien, Oumou Mariam. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Mais si tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, il termine, il te dit quelle est la preuve. Tu lui dis, je ne me rappelle plus. Il te dit, alors je ne t'écoute pas. Naam, moi, alhamdoulilah, je te crois ou je sais que tu as oublié, mais il faut au maximum apprendre les derniers. Sinon, tu parles avec quelqu'un, avec ton père, ta soeur, ton mari, ta mère, on va dire c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est le dernier là? Tu as tiré ta tête. Al-Muhim, c'est pour ça qu'on doit apprendre les derniers. Oum Imran 2001, il y a un verset ou un hadith. Taïf, elle sait pas aussi. Le chemin de la vérité. Il y a un verset ou il y a un hadith. Je sais pas. Science 1994. Le chemin de la vérité, dire ahadith. Naam, ahadith. Sah. Maintenant, un verset. Non, ahadith. Maintenant, même si tu connais pas le hadith, au moins tu dis aux gens, il y a un hadith sahih. Le prophète islam a dit, il y a un hadith sahih. Demain, je vous ramène le livre, inshallah. Demain, je vous ramène où se trouve le hadith, dans quelle page et quel tome, etc. Mais il y a un hadith sahih. Je n'ai pas dit de ma tête. Naam, autre question, si quelqu'un entend le adhan alors qu'il n'avait pas encore commencé ni à manger ni à boire, est-ce qu'il a le droit de manger ou de boire? Et tout en supposant que le adhan est en son temps, pas comme de nos jours, il y en a 20 minutes à l'avance, en son temps, a-t-il le droit de manger ou de boire? D'ailleurs, Oumna il a parlé, Oum Suleyman elle a parlé aussi, Zeynep, Oum Anas 2. Naam. Non, il n'a pas le droit, ça. Car le hadith a dit, s'il a quelque chose entre ses mains. Naam, il a dit, s'il a quelque chose entre ses mains. Or, cette personne n'a rien entre ses mains. C'est elle qui allait, de nouveau, elle va commencer à manger. Naam. Maintenant, l'imam Ahmed a dit dans ce qu'a rapporté le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, quand on lui avait posé la question qu'un homme a voulu forcer sa femme pour que il fasse avec elle le rapport alors qu'elle avait les menstrues. On lui a dit, que doit-elle faire? Qu'a-t-il répondu? Deux questions. Qu'a-t-il répondu et pourquoi? Taïb, tout le monde qui est sur ma liste a parlé. Alors on commence par Oum Suleyman. Qu'a répondu l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, et qu'est-ce qu'il a donné comme preuve? نعم غيبهم إن شاء الله تعالى. Question pour le hadith tout à l'heure, c'était celui de Omar ibn Khattab. Naam, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi sallam a dit, quand quelqu'un entend le adhan, il a un récipient devant lui, qu'il continue. Et s'il a quelque chose entre ses mains, qu'il continue de sa chose. Hatta yaqdiya minha ou minhu hajata. Pour la deuxième réponse, elle a, c'est elle, elle doit divorcer. Pourquoi? Pourquoi? Très vite, pourquoi? Que le fait de pas jeûner, le ce qu'il vient de faire est plus grave que le fait de ne pas jeûner. C'est une réponse à moitié juste. Non, la comparaison ici, ce n'est pas comme ça la comparaison. C'est en fait parce que ce qu'il va faire est plus grave qu'autre chose. Ce n'est pas de ne pas jeûner. Non, ce n'est pas de ne pas jeûner, mais autre chose. Taïb. Omneïla. Mais la première chose est vraie, c'est-à-dire qu'elle doit divorcer. Si elle risque pour sa vie, alors elle n'a pas le choix, mais elle n'a pas envie de changer. Mais il faut qu'elle soit forcée par d'actes et non pas par des mots. Taïb. Alors, je redonne les points rouges, car vous ne m'avez pas compris. C'est pour ça que M. Suleiman, à la fin, a dérapé du sujet. Elle parlait de jeûne. Moi, je vous parlais pas de jeûne. Je ne vous parle pas de jeûne. Je vous dis, on a posé la question à l'imam Ahmed. On lui a dit, ce n'est pas pendant le Ramadan. Une femme qui avait les menstrues, son mari a voulu la forcer pour qu'elle fasse le rapport avec lui, sinon il la divorce. Qu'a répondu l'imam Ahmed? Il n'y a rien à voir avec le jeûne ici. C'est pour ça que M. Suleiman a dit, c'est plus grave que le fait de ne pas jeûner. On ne parle pas de jeûne. Naam, il a dit la même chose. Non, on ne parle pas de jeûne ici. On parle d'autre chose. Taïb, qui n'a pas encore parlé, attendez. Oumou Marim a parlé. M. Suleiman, il a l'Oumsmaïn, porte salafi, Inch'Allah. Naam, porte salafi, Inch'Allah. C'est la première sur la liste qui n'a pas encore parlé. Je répète, on ne parle pas de jeûne. Naam. Ce n'est pas en ramadan. Là est haram, l'autre est halal. Naam. C'est très simple. Allah l'adim. Le fait de faire ça, de faire cette chose, naam, c'est haram. Et le fait de divorcer, c'est halal. Ce n'est pas interdit de divorcer quand on a une cause. Et là, on a une grande cause. Allah l'adim. Il veut faire cette chose alors qu'elle est interdite. Ou bien, comme ceux qui veulent faire avec leur femme, astaghfirullah. Il la force pour la sodomie. Naam, elle dit, moi j'accepte pas le divorce et je fais pas cette chose. Pourquoi? Le divorce est halal. Et toi tu veux divorcer pour Allah, car Allah a interdit cette chose. Tu veux ravir Allah et ne pas rester avec cet homme, même si je l'aime, même si je ne sais pas quoi, c'est le plus riche du monde, mais celui-là il me pousse à faire des choses qui me vont rentrer en enfer. Donc je préfère divorcer, vivre avec quelqu'un de pauvre et combler يعني اي ravir Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. طيب. Maintenant, inshallah ta'ala, on commence le nouveau. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On commence bidna ta'ala le nouveau. Inshallah ta'ala, la fois prochaine aussi, bien sûr, il y aura des questions bidna subhanahu wa ta'ala. نعم. Il y aura aussi des questions bidna subhanahu wa ta'ala. طيب. en ce qui concerne ta'djil al-fitr. Est-ce que Qasi Salaf est là? Est-ce que Qasi Salaf est là? Non, il n'est pas là. Tayyib. Qasi Salaf, est-ce qu'il est là avec nous? Tayyib. Ibn Kathir est là. Tayyib. Ibn Qayyim est là. Al-Muhim. Je disais que aujourd'hui, inshallah ta'ala, on commence par ta'djil al-fitr. Ta'djil al-fitr. Le fait de quoi? D'avancer al-fitr, le manger. Non? Il est dans la sunna que quand c'est l'heure de manger, on ne retarde pas. On ne retarde pas, on ne fait pas comme les chiites. Et qui aussi? Et les chrétiens et les juifs. Non? On ne retarde pas en islam. Non? Les chiites attendent jusqu'à ce qu'on fasse la salat isha et que les étoiles apparaissent bien, bien dans le ciel. Elles éclairent. Masha'Allah. Vers 11h ou là, vers minuit, vers 23h, ils vont manger. Nous, on dit tout ça, c'est bid'a. Tout ça, c'est bid'a. La sunna, c'est dès qu'il dit Allahu Akbar, j'ai déjà quelque chose dans ma bouche. Car certains croient aussi que tu n'as pas le droit de manger jusqu'à ce qu'il termine le adhan. Non, beaucoup de gens te disent, attends, il vient juste commencer le adhan. Attends qu'il termine et tu manges. Tout ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que le mot Evelyn, quand il a dit Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est déjà rentré l'heure. Et normalement, lui-même, avant de dire Allahu Akbar, il aurait dû manger quelque chose. Naam. Et mieux que cela, je peux même manger avant le mot Evelyn. Mais quand est-ce? Quand je suis sûr d'avoir vu, par exemple, que le soleil s'est couché. Et maintenant que j'ai pas où voir cette chose, j'attends qu'il fasse le Adhan. Naam. Mais des fois, je donne un exemple, des fois, par exemple, je suis un calendrier. Naam, je suis basé sur un calendrier. Alhamdulillah, j'ai confiance en ce calendrier. Par exemple, c'est écrit 15h20. Naam, 15h20. Et voilà que le muadzin, je ne sais pas où est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'il mange. Et il ne vient pas faire le adhan jusqu'à 22, jusqu'à 23 minutes. Naam, au lieu de, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple 18h. Au lieu que ce soit 18h, il va venir à 18h03 pour faire le adhan. Moi, je ne l'attends pas. C'est écrit 18h dans le calendrier. Naam, il faut que je sois sûr que dans ma montre, il est 18h. Ça y est, je ne l'attends pas. Naam, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le mu'adhin. Il est en train de manger la shorba. Ça lui a plu, il nous a oublié. Celui-là, moi, je ne l'attends pas. Mais il faut que je sois sûr que dans ma montre, il est vraiment 18h. Si je ne suis pas très très sûr, j'attends juste un peu pour y en être sûr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. سبحان الله العظيم. Il a dit les gens resteront toujours dans le bien tant que quoi? Tant que ils avancent le fitr. Je sais pas comment on dit le fitr. Ils ont la rupture du jeûne. Ils ont la rupture. Naam. Les gens sont toujours dans le bien tant qu'ils rompent. Ils rompent le jeûne, yani en son moment. Ils ne retardent pas en son moment. Dès que c'est l'Aden, je rends mon jeûne. Et remarquez qu'a dit le prophète, alayhi sallam, il a dit, les gens sont toujours dans le bien. Tant qu'ils rompent le jeûne en son moment et en son début. Ça veut dire que quiconque retarde et ne veut pas rompre, celui-là, il n'est pas dans le bien. Non, il n'est pas dans le bien du prophète, alayhi sallam, il est dans le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est peut-être dans le bien chez les innovateurs. Ils disent, Masha'Allah, celui-là, il retarde, hein, il a peur, il est très prudent, Masha'Allah, Masha'Allah, allez. Non, ça c'est faux. Jazakallahu khairan Ibrahim. Ça c'est faux. Non. Dès que tu es sûr que c'est le soleil s'est couché, si tu aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu casses et tu romps le jeûne, même si tu vas manger une date. Une date ou bien une gorgée d'eau. C'est tout. Non. Regardez qu'a dit Ibn Khuzayma, rahimahullah. Fi Sahih, tome 3, page 274. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Dans le titre, il a dit Babu Vikri Dawamin Nasi Al Khair Ma'adjalu Al Fitr. Chapitre que les gens sont toujours dans le bien s'ils avancent la rupture. Naam. Wa fihi kad-dalala et kad-dilala, la même chose. Ala annahum idha akharu Al Fitr waqa'u fi Ash-Sharr, subhanallah al-azim. Et il a dit, et ce hadith comporte comme, je ne sais pas, comme sens, que quoi? Que s'ils retardent la rupture du jeûne, ils sont tombés dans le mal. Naam, attention, ils sont tombés dans le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, hadith Sahl ibn Sa'd, dans le premier hadith que j'ai cité, il se trouve dans le Bukhari Muslim. Maintenant ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir fi fitriha an-nujum. Naam, qu'a dit le prophète alayhi wa sallam? A dit ma nation est toujours dans la sunna tant que elle n'attend pas pour rompre le ramadan, tant qu'elle n'attend pas quoi? Elle n'attend pas les étoiles. Ça veut dire que quiconque attend les étoiles, celui-là, il a quitté la sunna. Il est vraiment loin de la sunna et peut devenir même l'ennemi de la sunna, comme le font les chiites. Les chiites, qu'est-ce qu'il fait? Il attend les étoiles. On dirait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a fait savoir que va y avoir des gens qui vont, subhanallah, attendre jusqu'aux étoiles. Alors il a dit ce hadith, il l'a cité. Il a dit, Naam, tant que tu n'attends pas pour rompre le jeûne jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, Masha'Allah, tu es dans la sunna. Subhanallah l'Azim. Et il a dit, le même sahabi a dit, radiallahu ta'ala anhu, وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال غبت الشمس أفطر. نعم أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال شيخنا إسناده صحيح قال الألباني إسناده صحيح. Le prophète صلى الله عليه وسلم quand il était, quand il jeûnait, quand c'était bientôt l'heure du coucher du soleil, il ordonnait à quelqu'un de se mettre sur quelque chose de haut, quelque chose, par exemple un monticule ou une petite montagne ou là, et lui dit regarde. Si l'autre lui dit le soleil s'est couché, le prophète alayhi salatu wasalam mangeait. Le prophète alayhi salatu wasalam mangeait. Et plus grave, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wasalam fi hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasalam qad la yazalu ad-dinu zahira ma ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun. Akhrajah Abu Dawud wa mawjud 'ind al-Albani fi sahih Abi Dawud. Hadith 2063. Qu'a dit si le prophète alayhi salam, il a dit quelque chose, c'est vraiment grave pour celui qui n'applique pas. Naam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la yazalu ad-dinu zahiran. L'islam restera bi-idhnillah ta'ala triomphant. Naam, l'islam lui-même, la religion. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ورفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلام ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله في صوت الحمد لله le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Abdillah ibn Abi Awfa dans le hadith de Bukhari ou Muslim a dit une fois on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi safar dans un voyage et il jeûnait le prophète alayhi wa sallam jeûnait donc ça c'est un autre hadith une autre preuve que quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait dans ses voyages al-muhim falamma ghabat ash-shams قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا lorsque le soleil s'est couché le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à certains levez-vous et préparez-nous quelque chose à manger de très vite comme ça comme une petite chorba يعني quelque chose de très vite qui se fait avec de l'eau et un peu de semoule نعم l'autre a répondu lui a dit يا رسول الله لو أمسيت يا رسول الله si tu attendais un peu que le soleil, si je puis dire, se couche bien, ou bien qu'il fasse un peu nuit, quelque chose dans ce sens. Alors il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, « Qum, inzal fajdah lana. » Lève-toi, yani descends de la monture, et va nous faire ce que je t'ai dit. Il a dit, « Ya Rasulullah, fallu amsayt, au prophète, si yani tu attendais un peu encore. » Naam. « Qala, inzal fajdah lana. » Il lui a dit, « Descends, va nous préparer. » Ensuite, l'autre a répondu, « Inna alayka naharan. » Il a dit, « Allah al-Azim, yani, il ne fait pas encore nuit. On voit encore le jour. » Qu'a répondu le prophète sallam, il a dit, « Inzal ijdah lana. » Descends et prépare-nous. Ensuite, l'autre est descendu, il a commencé à préparer. Le prophète alayhi sallam a bu de ce qu'il a préparé. J'ai dit, il a préparé comme une sauce. Il a bu. Ensuite, il a dit, « Idha ra'aytum al-layla qad aqbala min hahuna, faqad aftara sa'im. » Si vous voyez la nuit qui a commencé à venir de ce côté-là, du côté de l'ouest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sa'im, celui qui a jeûné, khlas, il peut déjà manger. Qu'a dit sur ce hadith Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans le tome 25, page 215? Et on lui a posé la question, An ghurub al-shams, quand le soleil se couche, est-ce que il est possible à quelqu'un qui a jeûné de manger juste après le fait que le soleil se soit couché. Est-ce qu'il est possible, c'est-à-dire en d'autres sens, ou bien doit-on attendre qu'il fasse nuit, Il a répondu, « Idha ghaba jami'ul qursi aftara sa'im. » Il a dit, quand le soleil se couche, si on ne voit plus rien du soleil, le soleil, comment qu'il est? C'est un cercle, c'est comme un ballon, ça. Maintenant, si on va par exemple au bord de la mer, car c'est l'endroit, vous savez que le niveau de la mer est plus bas que le niveau de la terre. On est au niveau de la mer, c'est zéro. Maintenant, si là-bas le soleil, on commence à le voir, il descend du ciel. Maintenant, on sent qu'il a touché l'horizon. On dirait qu'il a touché la mer quand on voit au fond. Ensuite, on le voit, il commence à descendre. Ensuite, le cercle, on ne voit du cercle qu'un demi. On voit un demi seulement. Ensuite, c'est un arc, on voit un arc. Ensuite, il descend, on ne le voit plus. À partir du moment de la seconde où il est impossible de le distinguer, il a disparu derrière l'horizon, il est possible de manger. C'est-à-dire, ce n'est plus la peine d'attendre qu'il fasse nuit ou d'attendre que les rayons se cachent. Car lorsque le soleil va disparaître, il va laisser des rayons et une rougeur. Ça s'appelle Shafaq al-Ahmar. On ne doit pas attendre cette chose. Naam. Donc, Cheikh Islam a répondu, si le soleil se couche de façon à ce qu'on ne voit plus, disons, son cercle, on ne voit plus le cercle là, il peut manger, wala ibra bi al-humrati shadida al-baqiya fi al-ukhra. Et c'est pas la peine de se baser, ça n'a pas d'importance, la rougeur qui reste dans le ciel. Non, cette rougeur n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est quoi? Je n'ai pas vu le soleil et il s'est couché. C'est pour ça que certains, subhanallah, ils voient le soleil se coucher et il a peur de manger. Je ne dis pas il voit le soleil se coucher. Il voit le soleil qui s'est déjà couché. Tu lui dis où est le soleil? Je dis là, il est descendu. Je l'ai vu tout à l'heure, il était là, il est descendu derrière l'horizon, je ne le vois plus. Et il a des ouswes et il ne peut pas manger. C'est comme si, Allahu alam, c'est comme si il a peur que le soleil remonte une autre fois. Non, il ne mange pas, il dit j'ai peur. Peut-être que, je ne sais pas ce qui va se passer, il va ressortir de nouveau. Et moi, qu'est-ce que je dis? Même s'il ressortait de nouveau, khlas, le temps du Siyam est terminé. Pourquoi? Le temps du Siyam se termine par le coucher du soleil. Maintenant, s'il se relève, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, mais n'empêche que, khlas, tu as la permission de manger, même si c'est la fin du monde, car il s'est relevé une autre fois. Donc, il ne faut pas boire de ouswes. Si tu es au bord de la mer, tu vois que le soleil s'est couché, il n'y a rien du soleil. Du soleil, c'est-à-dire de son cercle. Même s'il reste les rayons, c'est tout rouge, moi je m'en fous. L'essentiel, il n'y a pas le soleil, il s'est couché. Naam. Allama yuftar. Quand quelqu'un fait le jeûne, de préférence, il doit rompre son jeûne avec quoi? Yasunnu an yuftara ala rutabatin qabla salati al-maghrib. Il est de la sunna que quelqu'un rompe son jeûne avec des rotabettes et aussi des rotab. Fa in lam yajid fa ala tamarat. S'il ne trouve pas, alors des dattes. Fa in lam yajid fa ala al-ma. S'il ne trouve pas, alors de l'eau. Donc, il y a trois choses qui sont dans la sunna. On commence par la meilleure et on descend. La meilleure, c'est quoi? C'est rotab. Rotab, c'est quoi? C'est une sorte de date que on n'a pas partout, bien sûr. Ici au Koweït, on l'a, mais on ne les enlève pas des dattiers. Ici, il n'y a pas de dattiers. On les importe de l'Arabie Saoudite. Ceux qui vivent en Arabie Saoudite savent ce que c'est rotab. Rotab, c'est une sorte de date, mais premièrement, c'est une sorte, elle est en sorte, en forme de boule, alors que la date, elle est ovale. Celle-là, c'est une boule, premièrement. Deuxièmement, elle est de couleur jaune, un peu, yani, orange. Naam. Troisièmement, et c'est ça l'essentiel, pourquoi elle s'appelle rotab? Parce qu'elle n'est pas dure. C'est-à-dire, dès que tu la mets dans ta bouche, il y a de l'eau qui sort d'elle. Donc, de l'eau sucrée, bien sûr. Mais, contrairement à la date, c'est quelque chose, naam, qui est difficile, yani, c'est pas avalé, difficile à mordre, parce qu'elle est toujours un peu dure. La date, elle est toujours un peu dure. Tu dois, yani, Naam, elle est très sucrée, moelleuse. Naam, très sucrée même. Naam. Quant à la date, on doit bien mâcher. Ça, on mâche. Mais rotab, non. Ça, yani, ça veut directement aller à la gorge. Tellement, elle est moelleuse et elle est sucrée. Nous, la sunna, on commence par quoi? On commence par ce genre de date. Si on n'a pas, on passe à la date normale. S'il n'y a pas la date, on n'a pas d'excuse. Pourquoi? Il y a l'eau. Naam, il y a l'eau. Une gorgée d'eau ou un verre d'eau, cela dépend. Si on a très soif ou on n'a pas, cela dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui peuvent te boire un litre et il peut manger. Il y a d'autres personnes, s'il boit deux verres, il ne peut plus manger. Donc celui-là, il doit boire seulement, yani, un petit peu. Et Naam, maintenant, s'il ne trouve ni rotab, ni date, ni eau. Qu'est-ce qu'il fait ? De préférence, il commence par quelque chose de sucré. Si c'est znabia, c'est znabia, si c'est makrot, c'est makrot, si c'est un sucre, c'est un sucre. Ils disent que si on commence par quelque chose de sucré, c'est mieux. Pourquoi ? Pour le corps. Pour le corps et pour les vitamines, etc. Parce qu'il n'a rien mangé toute la journée. C'est pour ça, vous savez sûrement que les gens, quand ils font la grève, certains gens dans les prisons, dans je ne sais pas quoi, ils te font la grève 10, 15, 20 jours, un mois. Ceux-là, même pendant la grève, ils doivent manger du sucre. Sinon, ils meurent. Personne qui peut rester sans manger rien pendant, je ne sais pas, 10 ou 15 jours. Mais ils prennent du sucre avec eux, premièrement pour ne pas mourir, deuxièmement pour que leur corps puisse vivre. Car sans sucre, c'est impossible. Donc, c'est ça la sunna, incha'Allah ta'ala. Tayyib, maintenant il va manger. Qu'est-ce qu'il va dire comme doua ? Qu'est-ce qu'il va dire comme doua ? Je répète pour que les gens, incha'Allah ta'ala, comprennent bien ce que je viens de dire. La rotab, ensuite date, ensuite eau, ce n'est pas une chose obligatoire. C'est seulement la sunna. Si tu commences par ces trois choses, tu as quoi ? Tu as des hajj, des récompenses. Mais si tu ne trouves pas ces trois choses, ou bien tu es yani, affamé, tu veux manger directement la shorba, tu es libre. Non, ce n'est pas interdit. Mais seulement, yani, tu n'as pas pris les récompenses qu'on donne pour celui qui applique la sunna. Pourquoi je dis comme ça ? Certains gens vont croire que c'est obligatoire. Ils vont dire, il faut que tu manges la date. Il faut que tu boives de l'eau. Non, il faut bien comprendre les choses yani, et les mettre en leur endroit. Non. Qu'est-ce qu'on dit avant de manger ? Il est dans la sunna, comme a dit Marwan, radiallahu ta'ala anhu, ou Ibn Salim al-Muqanna. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ra'aytu Ibn Omar. Il a dit, j'ai vu Ibn Omar ibn Khattab. Vous connaissez Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, et combien qu'il aimait la sunna. Kana min ashaddin nasi ittiba'an li sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min ashaddihim taharrujan min mukhalafatiha. C'était l'un des gens qui beaucoup suivaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, j'ai vu, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, yaqbidu ala lihyatihi fa yaqta'u ma zada al-kaf. J'ai vu que Abdullah ibn Omar, quant à sa barbe, j'ai vu que il la prenait avec sa main. Il prenait sa barbe avec sa main, et ce qui dépassait sa main du côté bas, il le coupait. Ce qui dépassait sa main du côté bas, il le coupait. Bien sûr, c'est sur ce hadith et d'autres, sur ce athar et d'autres athar, que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, s'est basé pour dire que la sunna, c'est de ne pas avoir plus de barbe que ce qui dépasse la main. L'âme. Cheikh Al-Albani va de l'avis que laisser la barbe pousser, comme font certains soufis et certains innovateurs, jusqu'au nombril, il a dit tout ça, ce n'est pas de la sunna. Il a dit, car il est impossible que Abdullah ibn Omar, ou bien Abu Huraira, ou bien Abu Moussa, qu'ils coupent leur barbe sans qu'ils aient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam la couper. C'est impossible, il a dit. Surtout Abdullah ibn Omar, qui suit beaucoup la sunna. Donc s'il a fait ça, il a dit, c'est qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cette chose. المهم ensuite il a dit wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida aftara, c'est ça le témoin du dars, et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rompait le jeûne disait, voilà la doua qu'on dit quand on veut rompre le jeûne avant de mettre la rotab ou bien les dates ou bien de boire de l'eau. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce doua: dhahaba dhama'u, dhahaba dhama'u. La fatigue est partie. Dahaba, pardon, la fatigue, la soif, dhama. Dahaba, dhama. La soif est partie. Wabtallat l'uruq. Et les veines ou les nerfs se sont mouillés. C'est-à-dire, lorsqu'il va, bien sûr, manger cette chose, parce qu'auparavant, les nerfs ou ces veines étaient vraiment yani, assoiffées. Et avait besoin de sucre ou bien avait besoin d'eau. Il a dit, wa sabata al-ajru insha'Allah. et la récompense yani, est maintenue, Inch'Allah. Et il a dit Inch'Allah, hein, pour s'éloigner de l'ostentation. Hein. Classe, j'ai fait aujourd'hui le siyam, j'ai des hajj. Non, ne sois pas sûr. Allah Ta'ala sait si tu l'as fait pour Allah, et si vraiment il remplissait les conditions. Dis Inch'Allah, Inch'Allah j'ai le hajj, Inch'Allah, na'am. Tu n'es pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je répète le doua. Dhahaba al-dhama. Donc celui qui s'arrête, celui qui termine, il dit dhahaba al-dhama'u. Dhahaba al-dhama'u. Wabtallat al-uruqu. Wa thabata al-ajru insha'Allah. Je répète pour ceux qui s'arrêtent. Dhahaba al-dhama'u. Wabtallat al-uruqu. Wa thabata al-ajru insha'Allah. Akhrajahu Abu Dawood. Et regarde Sahih, Sahih Sunan Abi Dawood, Sahih Sunan Abi Dawood. Naam, c'est-à-dire en français, la soif fait partie, les veines sont humides, et si telle est la volonté d'Allah, la récompense est assurée. Je répète, la soif est partie, les veines sont humides, et si telle est la volonté d'Allah, la récompense est assurée. Barakallahu fikum. Or, je disais que Naam. Ici, il faut faire la remarque que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ajoutent quelque chose à ce hadith. Alors que ce hadith, comme je viens de lire ici, il est dans Sunan, il est dans Sahih Sunan Abi Daoud de Sheikh Al-Albani, numéro 2066. Et Sheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghadil a dit que c'est un hadith bon, Hassan, numéro 920. Je disais, beaucoup de gens ajoutent quelque chose à ce hadith, alors que cet ajout est faible. Qu'est-ce qu'ils ajoutent? Ils disent Allahumma laka sumtu. Attendez que je me rappelle là. Laka sumtu. Naam. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika fatartu. Ensuite ils disent le vrai. Dhahaba al-dhama ibtalat al-uruq wa thabata al-ajru inshallah. Donc je voudrais dire que son début n'est pas juste. Naam. Son début qui dit quoi? Qui dit Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart, ce début il ne faut pas le dire, il est faible. Ibn al-Qayyim, inshallah, ou bien Mahajir, ou bien n'importe qui, comment vous pouvez, inshallah, quand je dis qu'on fait une doua ou non, vous l'écrivez, c'est mieux. Pour que les gens, inshallah, ça leur soit facile. Si quelqu'un écrit en arabe, par exemple, l'autre il écrit en français. Naam, pour que les gens, inshallah ta'ala, quand ils voient la chose affichée, ça les aide beaucoup mieux. Donc, si vous pouvez m'écrire le doua, Inch'Allah, l'un va l'écrire en arabe et l'autre va l'écrire avec phonétique, français phonétique. L'un en arabe, l'autre en français phonétique. Ibn Qayyim, toi tu l'écris en arabe. Parce que tu es Ibn Qayyim, tu dois être sûrement fort en arabe. Ibn Qayyim. Naam. Umhajar, dhahaba dhama'u. Ubtallati l'uruqu. Wa thabata l'ajru, Inch'Allah. Naam. Ahsan Allah ilayk. Voyez le hadith Zahaba Dama'u. Le Z ici, ça se prononce le Zahaba Dama'u. Comme le Dib Zahaba Dama'u. Wabtallati l'uruqu. Wathabata al-ajru. Inch'Allah. Wathabata al-ajru. Inch'Allah. Voyez. Peut-être Ibn al-Qayyim n'est pas avec nous pour nous l'écrire en arabe. Malish. Quatrièmement, Al-Jawd wa Mudarasat al-Qur'an. Naam. An Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad al-nas. D'après le compagnon Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Le plus généreux des gens. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Et il était encore plus généreux pendant le Ramadan, lorsqu'il rencontrait Djibril. Car Djibril venait à chaque fois pendant le Ramadan pour lui faire réciter le Coran, hein, pour lui faire réviser le Coran. Et le dernier Ramadan où le prophète alayhi salam est mort, Djibril alayhi salam est venu deux fois. Il a dit wa kana Djibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan. Il a dit et Djibril venait chaque soir du Ramadan rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui apprenait le Coran, فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم quand il rencontrait جبريل il était plus généreux que les vents. نعم les vents المرسلة المرسلة c'est-à-dire qui ne s'arrête pas attendez مطلقاً et ça qui va très vite. نعم نعم le vent qui va très vite. نعم et d'autres ont dit qu'il ne s'arrête pas de يعني d'être envoyé. نعم ici on a dit donc قال ابن خزيمة باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان الى انسلاخ استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جرس وما تندي الحمد لله ابن خزيمة دي donc on prend de ce hadith que pendant le mois de Ramadan si on veut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, on devait l'imiter, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être très généreux pendant ce mois. Et par conséquent, on doit faire beaucoup d'aumônes et de ataya. Et de ataya, c'est-à-dire, et de dons. Et de dons. Naam. C'est pour ça que certains savants ont dit que, quand on donne pendant le Ramadan des choses, c'est pas quand on les donne pendant d'autres mois. Pourquoi? Parce que pendant ce mois qui est le Ramadan, il y a une spécialité, c'est quoi? C'est que, subhanallah al-Azim, les portes du paradis sont toutes ouvertes. Les 8 portes sont ouvertes. On est plus enclin à y rentrer si on meurt. Et nos actions sont plus enclins à ce qu'elles soient acceptées billah azza wa jalla. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit pendant le Ramadan, elle yani, ou bien double, ou bien triple, ou bien quadruple, Allah subhanahu wa ta'ala, seul c'est qu'est-ce qu'il fait de nos actions pendant le Ramadan. Donc, toute personne qui peut, pendant le Ramadan, faire de l'aumône, bien nourrir des gens, bien faire des dons, fisabilillah, c'est que cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a aimé, il l'a aidé, il l'a guidé. Naam. Ensuite, cinquièmement, l'ijtihad fil ibadah fil ashr al-awakhir fil Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout les 10 derniers jours du Ramadan, profitez beaucoup en ce qui concerne l'adoration. Naam. Profitez beaucoup et faisait beaucoup de ibadah, d'adoration et de prière. An Aisha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit "Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi." Aisha radiyallahu ta'ala anha a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voyait les 10 derniers jours rentrer, il faisait deux ou trois choses. Qu'est-ce qu'il faisait? Premièrement, shadda mi'zarah. Shadda mi'zarah, beaucoup de ulama ont dit, ça veut dire que il s'éloignait de ses femmes. Il s'éloignait dans le sens par rapport au niveau intime. C'est pas il s'éloignait, il allait dormir dans une autre pièce. Non, il s'éloignait d'elle, c'est-à-dire il n'avait pas le temps de penser à cette chose car il était dans les 10 derniers jours. Donc la première chose, il s'éloignait de ses femmes au niveau du rapport. Deuxièmement, wa ahya layla, et il passait beaucoup de sa nuit en train de faire la salat, naam, ou même en train de lire le Coran. Et la salat est plus importante, bien sûr, parce qu'elle contient déjà le Coran. Elle contient le Fatiha et elle contient les autres sourates. Wa ayqada ahla. La troisième des choses qu'il faisait, c'est que il réveillait ses épouses. Non, il réveillait ses épouses. Donc il est de la sunna dans les derniers jours, les 10 derniers jours, de yani, s'éloigner un peu de sa femme. Non, première des choses. Deuxièmement, de faire beaucoup d'adoration la nuit. Et la troisième sunna, de réveiller sa femme. Non, de la réveiller, bien sûr, l'avertir que je vais te réveiller vers 3 heures du matin, etc. Il aura beaucoup de hajr, et elle, si elle est sincère, etc., qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être très contente s'il la relève. Naam. Mais si elle est fatiguée ou là, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, et, comme on dit, pardonneur. Naam. Parce que ce n'est pas une chose obligatoire. C'est une chose qu'on fait si on peut. Si on est très fatigué, cette nuit ou là, demain ou là, on peut, inshallah ta'ala, dormir. Autre chose aussi, quand on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'approchait pas ses femmes les 10 derniers jours du Ramadan, faut bien que vous compreniez que ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Naam. C'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. J'aime faire quelque chose pour Allah mieux que faire mon plaisir personnel. Naam. J'aime pendant ces temps, ces 10 derniers jours, yani j'aime me rapprocher beaucoup plus d'Allah que me rapprocher de ma femme et faire yani assouvir mes tentations, mes passions, c'est tout. Mais si quelqu'un a besoin de sa femme ou bien il se sent dans le besoin, il n'a pas le droit de se torturer. Naam. Et si la femme, son mari la demande pendant les 10 derniers jours, elle est obligée de faire le devoir. Elle ne dit pas laisse-moi, c'est les 10 derniers jours. Non, c'est les 10 derniers jours pour celui qui peut. Mais des fois, c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister. Des fois, c'est plus fort que la personne. Donc là, ce n'est pas interdit qu'il fasse la chose avec sa femme. Et elle, elle doit, elle est obligée de lui répondre. C'est la même chose. Si c'est la femme qui a besoin de cette chose, son mari doit faire cette chose. Pourquoi ? Pour la préserver et non qu'elle ne tombe pas dans la fitna. Car Allah Ta'ala a dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et yani, vivez avec elle avec le bon comportement. Et rentre dans le bon comportement qu'il fasse cette chose avec elle quand elle la demande. Naam. Car beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, quand il a envie de cette chose, il insiste pour qu'il la fasse. Et s'il voit que elle a envie, il s'en fout. Alors qu'il oublie que ça, c'est aussi son devoir envers elle. Et que quand elle demande cette chose, c'est que lui, il doit la faire. Ce n'est pas pour faire plaisir ni à lui-même ni à elle, mais pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sinon, pourquoi elle s'est mariée? Alors, pourquoi elle s'est mariée si cette chose, elle ne peut pas la faire? Elle ne peut pas la faire dans le halal. Naam. C'est pour ça que dans le Coran, vous lisez, muhsinin. Naam. Muhsin ou muhsan. Naam. C'est l'homme qui préserve sa femme et elle qui le préserve. Tout ça, je voulais dire pour que vous sachiez la différence entre une chose qui est sunna, qui est bien si on l'a fait, et une chose qui n'est pas haram. Quand j'ai dit c'est bien de s'éloigner de sa femme, mais juste pour que vous compreniez que ce n'est pas haram. Naam, il y a des gens qui comprennent, il n'y en a pas loin. C'est sunna, donc c'est haram, donc je ne peux pas m'approcher. Naam. Ensuite, pour qu'on termine, inchallah, il reste 10 minutes, pendant le jeûne, il faut s'éloigner au maximum des choses qui sont haram. Naam. Les interdits et les choses qui sont illicites, le musulman et le croyant s'en éloignent tout le temps, que ce soit pendant le Ramadan ou pas pendant le Ramadan. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Ibn al-Qayyim, dans un de ses livres, ou bien dans beaucoup de ses livres, est arrivé à l'avis qui dit que les hasanats pendant le Ramadan se multiplient et les seyyiat et les mauvaises actions se multiplient aussi. C'est pour ça que pendant le Ramadan, il faut au maximum s'éloigner des harams. Au maximum, naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du Bukhari, dans la version de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, c'est-à-dire que le prophète a dit, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سبحان الله العظيم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, celui qui, quand il jeûne, il ne s'éloigne pas de قول الزور. قول الزور, c'est tout ce que tu dis qui est haram. Non. Tu mens, tu fais les calomnies, tu fais la médisance, ça c'est قول الزور. Non. Ou bien tu fais un faux témoignage. Tout cela, ça rentre dans Qawl al-Zor. Le prophète a dit, si pendant que tu jeûnes, tu dis toujours ces choses-là qui sont interdites, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que tu laisses alors ton manger et ton boire. Naam. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait dire, alors va manger, va boire, ne te fatigue pas. Naam. Puisque le jeûne pour toi, c'est seulement ne pas manger et ne pas boire, mais en même temps, en ne pas mangeant et en ne buvant pas, tu insultes et tu mens et tu dis des choses obscènes, etc. Alors il vaut mieux que tu ne te fatigues pas, va manger, va boire. Non, c'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith qui est lui aussi authentique. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Kharajou ibn Majah wa sahahou shaykhuna rahimullah fi sahih targhib wa tarhib 1069. Qu'a dit le prophète alayhi wa sallam? Il a dit Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jua wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa al-sahar. Il a dit Oh combien de jeûneurs, et pourtant ils n'ont de leur jeûne que la faim. Oh combien de prieurs qui font la prière de la nuit Tarawih, et ils n'ont de leur prière que la veillée. Non, il a veillé pour faire Tarawih, mais il n'a rien miskin. Et l'autre, il a jeûné, il n'a pas mangé, mais il n'a rien miskin, il n'a que la faim. Il s'est fait faim toute la journée, il s'est fait faim, il s'est fatigué, non, il s'est fatigué miskin, il s'est châtié, et à la fin, il n'a pas de récompense. Non. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans le nouveau chapitre qui s'appelle Mayubahu les Sa'im. Qui est-ce qui est permis? Quelles sont les choses qui sont permises à celui qui fait le jeûne? Il y a beaucoup de choses qui sont permises et que beaucoup de gens ne savent pas. Ces choses-là, on les verra, inshallah ta'ala, avec des délits la fois prochaine, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Je vous donne, inshallah ta'ala, rendez-vous dans 10 minutes. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wasmak Hajar. Inshallah ta'ala, remets-nous le Coran où il y a la traduction en français. Remets-nous le Coran ou en même temps l'autre traduit en français. Barakallahu fik pour les gens qui sont francophones pour qu'inshallah ta'ala, istafidu. Tafaddali.